La pendule ne bouscule pas les heures, elle égrène les instants de bonheur. La fenêtre ne donne pas sur la ville, on n'entend que les oiseaux des îles. Dans la maison de Catherine, dans la maison de Catherine, Catherine vous prend par le côté du cœur, à l'ombre des volets dormeurs. Elle fait monter tant de chaleur dans son jardin sauvage, posé sur les nuages. Catherine te repeint ta vie, Catherine chante et tu ris, Catherine, c'est un ciel de velours. Catherine te repeint l'ennui, Catherine danse et tu ris, Catherine, oui c'est un aller sans retour, sans retour. Et le chat ronronne sur le silence, au plafond la lampe lune se balance. Le fond du couloir donne sur la plage, le lit s'endort au bord d'un rivage. Dans la maison de Catherine, dans la maison de Catherine, Catherine efface les minutes de pudeur, couchée sur ses tapis en fleurs. Elle ouvre son corps et son cœur, et le temps s'interroge quand Catherine le déloge. Catherine te repeint ta vie, Catherine chante et tu ris, Catherine, c'est un ciel de velours. Catherine te repeint l'ennui, Catherine danse et tu ris, Catherine, oui c'est un aller sans retour, sans retour. Les rideaux jouent à cache-voyage, les coussins du sofa sont bien sages. Un portrait retient le temps passé, et la cage à oiseaux de papier. Dans la maison de Catherine, Catherine te repeint ta vie, Catherine chante et tu ris, Catherine, c'est un ciel de velours. Catherine te repeint l'ennui, Catherine danse et tu ris, Catherine, oui c'est un aller sans retour, sans retour.